Chi, charismatique, Mala X, frère de la rue, frère de la rue, et ma héros. Le souvenir d'imam qui fait la salade du kamikaze. Le souvenir de l'ouvrier crucifié abattu comme un animal. Et ça la vie s'est baisée, tous ces souvenirs enfuis. La souffrance de cette médisante, elle dit que la poisse c'est la jalousie nous entend au tournant. Et que les MC seront nous grailler au tournant. Frangin élève le drapeau blanc. Les souvenirs perdus, le souvenir de ce bateau qui coule. Le souvenir de ces tours qui s'écroulent. Ma mère se souvient de mon premier cri, de mon premier sourire. Le bout du doigt pointé vers le ciel. Le souvenir de cet aveugle assis sur un banc. Les bras croisés en criant à l'aide d'un mauvais pressentiment. Ce pressentiment pressenti à chaque fois que mon oreille siffle. Ce pressentiment pressenti à chaque fois que mon oreille siffle. Que mon oreille siffle. Les souvenirs s'ancrent, les souvenirs s'effacent. Je me souviens d'hier, l'homme récite libre de la guerre. Les souvenirs des hommes non civilisés. Je me souviens de la guillotine, mon passé ancré. Le souvenir d'un petit dans un quartier difficile. Où la galère nous prend et nous prive. C'est si facile à dire, tu crois, si difficile à oublier le passé. Le souvenir du bon vieux temps, c'est si loin tout ça. Les plans, l'équipe s'est formée. On a commencé le vol, la drogue a traîné tard dehors. Tout le monde a chaviré à tribord. C'est si loin tout ça. Les souvenirs des 3-3, les une de les crochets, les tacles. Avec le temps qu'on a perdu à galérer, s'insulter, on aurait dû se volatiliser. J'ai perdu mon temps assis au 4e sur le mur de Berlin. Le souvenir de cet homme noir, le vent la main libérer mon peuple noir de leur chaîne. 14 ans perdus dans un bain de sang. Maroc, j'oublierai pas toutes ces histoires. Nos ancêtres fouettés dans ces champs de coton. Ce souvenir au Liban, ces juifs assassinent ses enfants. Sans pitié, les souvenirs me reviennent de ces chaînes au trottoir. Tout est perdu, ce monde se barre au coup de jour en jour. Les nuages sont gris, les visages maigris. Je repense à ce rêve maudit, d'écrire des pleurs dans ce couloir de la peur. Le souvenir de nos ancêtres qui ont combattu pour la France. Aujourd'hui aucune reconnaissance. Les souvenirs nous manquent, économie parallèle, économiste, ma vie bat de l'aile. L'argent m'a rendu fou, j'ai vendu un problème de sous. Mon problème c'est, j'ai rien depuis tout petit, on a rien du tout. Une crise, j'ai connu le pis, un hiver très très noir. Les souvenirs, des semaines trouées dans la pluie. Ils m'ont dit tirer un trait sur le passé. J'ai essayé d'oublier tout ça, de vivre mieux que ça. Loin de tout ça, si j'ai écrit ça, c'est que rien ne va plus, rien ne revient. J'oublie pas qui je suis, ma rôle enfoiré. J'oublie pas d'où je viens, la soupe Brooklyn.